dans parallèlement à mademoiselle. Rustique beauté qu'on a dans les coins, tu sens bon les foins, la chair et l'été. Tes 32 dents de jeune animal ne vont point trop mal à tes yeux ardents. Ton corps dépravant sous tes habits courts, retroussés et lourds, tes seins en avant, tes mollets pharaons, ton buste tentant, gai comme impudent, ton cul ferme et gros, nous boute au sang un feu bête et doux qui nous rend tout fous, croupe, reins et flancs. Le petit vacher, tout fier de son cas, le maître et ses gars, les gars du berger, je meurs si je mens, je les trouve heureux, tous ces cutéreux, d'être tes amants.